Les Américains qui cherchent chicane à la mesure haute défensive de notre armée restent muets et se comportent de façon effrontée devant les actes provocateurs de leurs fantoches. À ce propos, le porte-parole de l'état-major général de l'armée populaire de Corée a donné le 10 avril sa réponse à l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il souligne notamment « Les Américains, invétérés à ne chercher chicane aveuglément, braillent sur on ne sait quelles provocations et menaces chaque fois que notre armée livre des exercices, et en mobilisant leurs suivistes, ils s'enthousiasment à la campagne démagogique contre notre République, même dans les réunions onusiennes à l'aide des déchets humains. Leurs comportements hostiles à notre endroit ne sont point étonnants ni inhabituels. » Mais il s'agit de la conduite à double face et de la double norme au sujet de la provocation de leurs valets envers nous. Les autorités sud-coréennes prétendent insensément de déployer avant la fin de cette année Hyunmoo 2 missile balistique de 800 km en disant qu'il peut frapper toute la région nord-coréenne. Or, comme prévu, les Américains gardent la bouche cousue à de tels propos provocateurs de leurs fantoches. C'est une impudence tout à fait différente de leur réaction sur les exercices de tirs réguliers de fusées de notre armée. Le machiavélisme lâche des Américains vise à nous supprimer coûte que coûte par la force même, sans égard à leur face et à l'impartialité. Voilà la nature des Américains qui se comportent comme le juge dans le monde. Encouragés par leurs suzerains, les fantoches sud-coréens et les réactionnaires japonais se conduisent impudemment de façon démesurée. Les Américains sont tenus de penser profondément aux conséquences graves qui découleront de leur conduite arbitraire à notre égard. Les fantoches sud-coréens et les réactionnaires japonais aussi ne doivent pas agir légèrement. La dualité de normes banditistes des Américains est inadmissible.